Alfred impatienté allait répliquer vertement, lorsque la femme de chambre entra en disant « Le bain est prêt, il n'y a plus personne là-haut. Il faut croire que... » Olga s'arrêta court. Elle venait d'apercevoir monsieur, et elle regrettait vivement d'en avoir déjà trop dit, par étourderie, car madame de Lugot l'avait averti qu'il était là. « Il y avait donc quelqu'un, ricana Freinet ?»« Non, monsieur, la langue m'a fourché, répliqua la soubrette, avec une rare impudence. »« Parions que c'était le valet de cœur. » »« Bon, monsieur m'a entendu tirer les cartes à madame, mais le petit jeu et le grand jeu, c'est des bêtises. Je n'y crois pas moi-même. Ce que j'en faisais, c'était pour amuser madame. » « Et tu m'as amusé aussi, sans t'en douter. »« Mon cher, dit la comtesse d'un ton sec, vous n'êtes pas venu ici, je suppose, pour causer en ma présence avec ma femme de chambre, et vous allez me faire le plaisir de me laisser seul avec elle. J'ai besoin de ses soins, et je n'ai pas besoin de vous. »« Alors tu ne veux pas dîner avec moi ?»« Pas plus que vous ne voulez me conduire où j'ai envie d'aller. » Freinet avait bonne envie de se fâcher, mais madame de Lugot lui plaisait encore beaucoup, et il appartenait à l'espèce très répandue des amants que la contradiction excite. Il ne voulait pas céder, et il ne lui était pas désagréable d'être maltraité. « Je te répète, ma chère, que ce sera une extravagance, dit-il vivement. « Aie tous les caprices que tu voudras, mais pas celui-là. « Il n'y a que les extravagances qui me divertissent, et je trouve que je n'en fais pas assez. « Si vous croyez que ces gars ici, le dépôt des omnibus à gauche, les jardins du couvent de l'Assomption à droite, on doit moins s'embêter au boulevard Voltaire. « Je compte m'en assurer un de ces jours. « J'espère que tu ne t'aviseras pas d'aller là-bas sans moi. » « Non, je me gênerais peut-être, » dit ironiquement la comtesse qui redevenait faubourienne, au grand amusement d'Alfred. « Même si je te le défendais, » reprit-il pour la pousser à bout, « surtout si vous me le défendez. On ne me mène pas en laisse comme un toutou, moi. Je m'en aperçois. Tu es d'une race qui n'a jamais supporté l'esclavage, et je n'ai pas la prétention d'humilier le noble sang qui coule dans tes veines. Mais moi aussi je veux être libre. À votre aise, mon cher. Maintenant un peu de place, s'il vous plaît. » Et après avoir écarté Freinet d'un revers de main, la descendante des seigneurs Magyars saisit le trapèze, s'enleva à la force du poignet, enjamba la barre fixe, et une fois qu'il eut pris position, se mit à exécuter les voltiges les plus difficiles et les plus périlleuses. « Charmant, dit Alfred, qui riait à se tenir les côtes, tu devrais débuter au cirque d'été. »« Faudrait pas m'en défier, riposta la comtesse, en lançant son trapèze à toute volée. Ça vaudra mieux que de faire des visites ennuyeuses. » « Rangez-vous, si vous ne voulez pas que la barre vous cogne le museau. Je ne réponds pas de la casse. »« C'est juste, décidément, tu refuses de venir au bois. »« Car donc, si vous restez là, je vais vous abîmer le portrait. »« Diable, j'y tiens à mon portrait. Et je te tire ma révérence. »« Je reviendrai quand tu seras fatigué de faire de la gymnastique. »« Je n'y renoncerai que pour faire de l'équitation. »« Ne revenez qu'avec le cheval que vous m'avez promis. »« Demain, alors, adorable Stépanette. » « Ne quitte pas ton perchoir. Olga va me reconduire jusqu'à ma voiture. « Olga, je te défends de bouger. » Elle faisait triste mine, la pauvre Olga. Elle se sentait en faute et elle ne savait où qu'elle entendre. Elle se décida pourtant à reculer jusque dans le premier compartiment du salon, et en passant près d'elle, Freinet put lui jeter ses mots sans que la comtesse qui se balançait dans les airs les entendît. « 10 louis pour toi si tu viens me voir demain dans la matinée. Tu trouveras bien une heure pour t'échapper avant que ta maîtresse soit levée. » La camériste interloquée ne dit ni oui ni non, et Freinet descendit vivement l'escalier. Un amant d'une autre trempe serait parti navré, et il s'en allait le cœur très gai. Il ne s'était jamais fait illusion sur la noblesse ni sur les sentiments de la soi-disant comtesse de Lugot, et elle se présentait maintenant sous un nouvel aspect, qui ne déplaisait pas du tout à ce chercheur de maîtresses excentriques. Le ton canaille qu'elle venait de prendre donnait du piquant à son langage. Et le goût qu'elle affichait pour les exercices pratiqués par les saltimbanques ajoutait encore au charme de cette liaison bizarre. N'a pas qui veut une acrobate capable de jouer au besoin les grandes dames. Quant au projet qu'elle annonçait de se présenter chez Mademoiselle Monistrol, Freinet y attachait peu d'importance, comptant bien que cette lubie passerait vite. Il pensa cependant qu'il ne ferait pas mal d'avertir son ami Julien, afin de le mettre à même de prendre des mesures préventives, pour empêcher le vice de violer le domicile de la vertu. Il voulait tâcher de rencontrer Gémozac le plus tôt possible, et il ne tenait pas à dîner au bois de Boulogne. « Au cercle, » dit-il à son cocher, en remontant dans sa Victoria. Le cercle où les deux amis, Alfred et Julien, passaient volontiers quelques heures dans la journée, et assez souvent la nuit, entière, ne comptait pas parmi les plus aristocratiques de Paris. Ce n'était pas non plus un de ces tripots déguisés, où on entre comme dans une auberge. On ne s'y montrait pas très difficile pour les admissions, mais encore fallait-il être présenté régulièrement et subir l'épreuve d'un scrutin pour en faire partie comme membre permanent. Il est vrai qu'on pouvait aussi y dîner comme invité, et y passer la soirée après dîner, c'est-à-dire y rester jusqu'au lendemain matin, et même à jouer à tous les jeux. Tolérance dangereuse, s'il en fut, et qu'on ne pratique pas dans les grands clubs. On parlait depuis longtemps de la supprimer, mais comme il n'en était encore résulté aucune aventure fâcheuse, le comité n'avait pas pris de décision à ce sujet. Il arrivait même quelquefois que l'invité prenait les cartes avant le dîner et qu'on fermait les yeux sur cette infraction formelle à un règlement déjà trop peu sévère. C'est pourquoi Freinet, en entrant dans la salle consacrée au baccarat, fut médiocrement surpris de voir autour de la table de jeu deux ou trois figures nouvelles. Il n'était pas venu pour passer en revue les pontes. Il cherchait Julien Gémezac, et il ne l'aperçut pas tout d'abord, par l'excellente raison que Julien, qui tenait la banque en ce moment, tournait le dos à la porte du salon. En revanche, Freinet n'eut pas plus tôt passé cette porte qu'il fut accosté par un habitué de la partie, un viveur avec lequel il entretenait depuis longtemps des relations superficielles, mais très familières. Leur liaison était de celles qui se nouent aussi aisément qu'elles se dénouent, et qui ne se transforment jamais en intimité sérieuse. Ces amitiés-là foisonnent à Paris. On se rencontre sur le boulevard, au cercle, au restaurant, chez les demoiselles à la mode, on se prête même au besoin 25 louis, mais c'est tout. On ne va pas lyncher l'autre, et l'un peut disparaître un beau matin, sans que l'autre s'en inquiète, le moins du monde. « Qu'est-ce qu'on fait à la partie ?» demanda Freinet à ce camarade de plaisir qui s'appelait Daubrac, en un seul mot, et qui écrivait son nom avec une apostrophe. « Rien d'extraordinaire, » répondit ce joyeux garçon. « Les gros joueurs ne sont pas encore arrivés, et les petits ont été tellement ratissés dans ces derniers temps qu'ils sont un peu écœurés. C'est notre ami Gémezac qui leur taille une banque assez modeste. « Tiens, c'est vrai, je l'aperçois maintenant. Gagne-t-il »« Je crois que oui, car j'entends geindre les pontes. »« Alors j'attendrai qu'il ait fini. Je ne veux pas couper sa veine. J'ai pourtant bien besoin de lui parler. » Demandez-lui donc pourquoi, depuis quelques jours, il a l'air lugubre. Il n'a pourtant pas, que je sache, subi une de ces culottes qui assombrissent l'existence d'un homme. D'ailleurs, il est riche, ou du moins il le sera. Son père a des millions. Il a peut-être des peines de cœur, ça se passera. Ça se passe toujours. Et à propos de femmes, savez-vous, mon cher, que vous exhibez maintenant une rousse qui fait fureur partout où elle se montre. Personne ne la connaît. Est-il indiscret de vous demander d'où elle sort ? De son pays. C'est une étrangère que j'ai dénichée et que je compte garder pour moi. On prétend que vous l'avez enfermée dans une tour d'ivoire, entre Auteuil et Passy. Oh, je ne vous en blâme pas. L'oiseau pourrait bien s'envoler si vous ne le mettiez pas en cage. Je connais des amateurs qui le guettent. Freinet ne répondit pas à cette invite aux confidences. Il regardait un monsieur qui venait de s'approcher de la table et de jeter un billet de banque sur le tapis. Et il trouvait que ce nouveau ponte ressemblait étrangement à M. Tergowitz, le compatriote de Stepana. « Connaissez-vous ce bonhomme-là » demanda-t-il en le désignant du doigt à Daubrac, qui répondit après l'avoir examiné. « Non, c'est la première fois que je le vois ici, et je crois bien qu'il n'est pas du cercle. C'est probablement un invité, comme on nous en amène de temps à autre. Voilà une liberté qu'on ferait bien de supprimer. Vous verrez qu'un de ces jours, on introduira ici un bon grec, qui raflera l'argent de tout le monde et qu'on ne reverra plus. Je serais curieux de savoir qui a présenté celui-là et comment il se nomme. C'est facile. » Lui et son parrain ont dû s'inscrire sur le registre des dîneurs. « Je vais y aller voir. Il a une tête qui ne me va pas. »« Et vous reviendrez me renseigner, » dit Freinet, en se dirigeant vers la table de jeu. Il alla se placer en vis-à-vis du personnage qui l'intriguait et il se mit à le dévisager avec toute l'attention dont il était capable. C'était un homme jeune encore, grand, brun et élégamment tourné, dont les traits rappelaient beaucoup ceux du Hongrois que Freinet, du haut de la terrasse des ambassadeurs, avait vu causant au concert avec la prétendue comtesse de Lugo. Mais maintenant il se présentait de face. Et Freinet n'était pas absolument sûr que les deux ne fissent qu'un. Ce qu'il put constater d'une façon certaine, c'est que ce monsieur était un vénard. Il avait attaqué la banque de Gémezac avec un billet de 500 francs et poussé hardiment le parolis jusqu'au coup de trois, de sorte qu'il avait 4000 francs devant lui. « Je tiens le coup, » dit Gémezac, « que cette perte avait presque décavé. » car il avait pris la banque à 100 louis, et depuis qu'il taillait, il avait à peine doublé ce capital. « Sacrebleu !» pensa Freinet, « il va se faire enfiler dans les grands prix, et ce sera mademoiselle Monistrol qui en sera cause. Il joue pour se consoler des rigueurs de cette péronnelle, mais j'y vais mettre ordre. » Le coup fut perdu par Julien, qui fit demander 50 louis à la caisse du cercle, pour continuer sa banque, enlevée en 5 minutes. Il ne sait pas à qui il a affaire, le malheureux, disait Alfred entre ses dents. Si cet individu est le Hongrois de Stepanette, il ne doit inspirer aucune confiance. Il ne triche pas en ce moment, puisqu'il ne tient pas les cartes, mais ça viendra. Il faut absolument que j'avertisse ce nigaud de Julien. Et il manœuvra pour se rapprocher de son ami, auquel il ne pouvait pas décemment faire des signes de loin. La galerie s'était renforcée d'un certain nombre de gens, attirés par les exclamations qui saluaient la veine du nouveau venu. Et Freinet eut quelque peine à se démêler de cet attroupement pour arriver jusqu'au banquier. En route, il fut arrêté par Daubrac, qui lui dit à demi-voix « C'est un monsieur Targovitz, et il a été présenté comme invité par ce major polonais, qui a un nom impossible à prononcer. « Bon, je suis fixé, » grommela Freinet. Et il s'en alla frapper sur l'épaule de Gémozac, juste au moment où le tableau sur lequel pontait le Hongrois avait fait banco. Julien se retourna, vit son ami, et se leva en disant « À un autre, la banque est levée !» Les pontes murmurèrent, car il n'avait eu qu'une bien petite part de la banque de Gémozac enlevée par le nouveau venu, en quatre coups, dont un dernier dont il jouait tout seul. Mais comme il ne pouvait pas forcer Gémozac à continuer, le silence se fit promptement. Et comme on parlait de mettre la banque aux enchères, l'invité dit tranquillement « Je la prends à 1000 louis. » C'était le comble de l'aplomb pour un oiseau de passage, qui n'était pas membre du cercle. Mais personne ne réclama contre cette illégalité, parce que chacun espérait se refaire sur ce vainqueur qui exposait une grosse somme avec tant de désinvolture. Freinet s'était aussitôt emparé de Gémozac, et il s'empressa de l'entraîner dans un coin du salon. « Tu es donc fou, lui dit-il à demi-voix, gagner péniblement 200 louis et les reperdre en trois coups, c'est absurde !» Julien, pour toute réponse, haussa les épaules. « Parbleu, reprit Alfred, je te conseille maintenant de me reprocher d'avoir meublé l'hôtel de feu, mon oncle, pour y installer ma hongroise. » « Tu en as le droit, et moi j'ai le droit de jouer. Quand on fait des sottises, peu importe que ce soit pour une farceuse ou pour l'amour de la dame de pique. Soit, mais sais-tu contre qui tu viens de perdre ton argent ?»« Non, ça m'est parfaitement égal. Je joue pour me distraire, et je n'ai même pas regardé l'individu qui m'a fait sauter. »« Eh bien, regarde-le maintenant qu'il a pris ta place. À qui trouves-tu qu'il ressemble ?»« Je crois l'avoir déjà vu quelque part, mais... »« Je vais te dire où tu l'as vu. » Te rappelles-tu le noble étranger qui faisait des signes à ma comtesse de Lugo le soir où elle est venue s'asseoir à notre table sur la terrasse du café des ambassadeurs ? Très bien, et en effet celui-ci a une tête dans le même genre. Je suis à peu près certain que c'est lui. Et je suis fixé sur un autre point. Ma douce amie me trompe avec ce gentilhomme qu'elle appelle du joli nom de Targovitz. Elle m'a juré qu'il était retourné dans son pays. Or je le retrouve ici, et je soupçonne que tout à l'heure il était chez elle. Il ne perd pas son temps, ce magyar. Depuis qu'il a pris la banque, il abat à tous les coups. Et là-bas, rue Mozart, il prend ma place quand je ne suis pas. Eh bien, ne joue pas contre lui et mets cette drôlesse à la porte, puisqu'elle se moque de toi. Je finirai par là, certainement, quoiqu'elle m'amuse beaucoup. Mais je vais bien t'étonner en t'apprenant qu'elle est très occupée de toi, et d'une autre personne. Que veux-tu dire ? Mon cher, je viens de me quereller avec cette toquée, parce qu'elle voulait me forcer à la présenter à mademoiselle Monistrol. Voici par exemple un excès d'impudence, et je serais curieux de savoir comment cette fille a pu. Tu as oublié que le jour où nous l'avons rencontrée, nous avons parlé devant elle de l'assassinat du père Monistrol, et il faut croire que notre conversation l'a frappée, car elle y revient sans cesse. C'est à ce point que je me demande si elle ne connaît pas le gredin qui a fait le coup. Si c'est vraiment ce saltimbanque de la foire au pain d'épices, je ne m'étonnerais pas trop qu'elle l'eût rencontré dans ses voyages, car je la soupçonne d'être du métier. Je viens de la surprendre exécutant sur un trapèze des tours d'une haute difficulté. Elle a dû faire partie d'une troupe de bohémiens acrobates. Je suis heureux de constater que tu ne la prends plus pour une vraie comtesse, dit ironiquement Gémozac. Quant à ses relations avec le scélérat que je recherche, je n'y crois pas du tout. Si pourtant je parvenais à découvrir que ce beau monsieur Targovitz n'est autre que Zigzag, regarde donc ses mains. J'avoue qu'elles sont blanches et que le pouce crochu n'y est pas. Il s'en sert avec une dextérité remarquable. Les cartes glissent entre ses doigts comme des anguilles, et elles lui sont propices, car il rafle tout. Le major polonais qui l'a invité à dîner pourrait bien nous avoir amené un grec. Laisse là les conjectures et fais-moi le plaisir de me dire ce que tu as répondu à ta hongroise quand elle a eu l'audace de te demander de la conduire chez mademoiselle Monistrol. Je lui ai répondu « jamais », et elle s'est fâchée tout rouge. Là-dessus, je suis parti parce que je n'aime pas les scènes. Mais sa proposition m'a donné à réfléchir. Il y a là un petit mystère à éclaircir, et je l'éclaircirai demain matin. La femme de chambre de Stepana viendra me voir chez moi. 2 billets de 100 francs lui déliront la langue, et elle me renseignera complètement sur sa maîtresse, peut-être même sur M. Targovitz. Et toi, où en es-tu au boulevard Voltaire ? Toujours au même point. J'y vais tous les jours et on me reçoit une fois sur quatre, quand la place est libre. Et tu ne te décourages pas, il faut que tu sois bien pincé. Aujourd'hui encore, je me suis juré de n'y plus retourner, et j'y retournerai demain. C'est plus fort que moi. Tu ne comprends pas ça, toi, parce que tu n'as jamais aimé sérieusement. Non, mais si ce malheur m'arrivait, je ne resterais pas dans l'incertitude. Je voudrais au moins connaître mon rival, et je m'expliquerai avec lui. Car enfin, permets-moi de te le dire, tu joues en ce moment un rôle ridicule. Que n'attends-tu ce monsieur sur le boulevard, et que ne l'abordes-tu carrément, puisque tu n'as pas le courage d'obliger mademoiselle Monistrol à te dire ce que c'est que ce personnage ? Elle me l'a dit hier, il se nomme monsieur de Ménestro. Le nom ne nous apprend rien. Comment l'a-t-elle connu ? Il lui a rendu un service, paraît-il. Elle m'a laissé entendre qu'il se faisait fort de retrouver l'assassin du père Monistrol. C'est quelque intrigant qui aura flairé qu'elle est riche et qui cherche à se mettre dans ses bonnes grâces afin de l'épouser. Tu ne dois pas souffrir qu'elle se laisse circonvenir par un homme qui n'en veut qu'à son argent. Pourquoi n'avertirais-tu pas son père de ce qui se passe ? Il n'est pas officiellement son tuteur, mais c'est lui qui administre la fortune, et il a le droit de donner au moins des conseils. Qu'il aille voir la jeune personne et qu'il la mette en demeure de lui présenter ce monsieur de Ménestro. Quand tu sauras quoi t'en tenir sur cet individu, tu aviseras. Épouse ou n'épouse pas, c'est ton affaire, mais commence par déblayer le terrain. Tu as raison, je verrai mon père demain matin. Il n'est pas absolument opposé à mon projet de mariage qu'il a deviné, tandis que ma mère n'en veut pas entendre parler. Je comprends ça, mais fais ce que je te dis. Moi, de mon côté, je vais m'informer, et à nous deux, nous finirons bien par savoir à quoi nous en tenir sur ton rival et sur l'origine de ses relations avec mademoiselle Monistrol. Tiens, Tergovitz a levé la banque, et il fait Charlemagne. Il s'en va les mains pleines d'or, de plaques et de jetons. Je raconterai ça demain à ma hongroise. En attendant, viens faire un tour aux Champs-Élysées, en voiture, ça t'éclaircira les idées.